ira pas loin, on n'élèvera rien sur notre haine. Pourquoi tu pries ce crétin? Mon Dieu lui est très bien, au pire ne crois en rien. Des fois tu me fais peur, t'es beurre, es-tu un voleur? T'embrasse à contre-cœur, pourquoi t'es ici pas ailleurs? Retourne d'où tu viens, si tu viens d'ici c'est malin. Faire semblant d'être quelqu'un qui a la nation vu du chagrin. On n'ira pas loin, les bombes dans les mains, à la Saint-Valentin. À gueuler des insultes, on n'est pas aussi inculte, ça fait pleurer les flûtes. Des fois tu me fais peur, t'es noir et tu un violeur. T'embrasse à contre-cœur, pourquoi t'es ici pas ailleurs? Retourne d'où tu viens, si tu viens d'ici c'est malin. Faire semblant d'être quelqu'un qui a la nation fait du chagrin. Faut être solidaire, je peux pas te blairer mon frère. Je suis pas contre une guerre, faut fermer les frontières. Des camps de misère, on n'ira pas loin, c'est clair. Encore donner du sens aux odeurs d'essence, à gonfler à outrance, à tout pouvoir immense, à la raison au silence, à la beauté de la France. Des fois tu me fais peur, t'es juif et tu un malfaiteur. T'embrasse à contre-cœur, pourquoi t'es ici pas ailleurs? Retourne.